l'innocence, à jamais protégé des fils et des soldats de la garde, de ceux qui en versaient leur sang. Laissez-nous le temps d'une guerre, que nos cœurs s'enflamment. Laissez-nous le temps des amants, que naisse l'enfant. Laissez-nous le temps. Laissez-nous le temps d'une guerre, que nos cœurs s'enflamment. Laissez-nous le temps des amants, que naisse l'enfant. Laissez-nous le temps. Laissez-nous le temps.